Bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio. Sanganiro, bienvenue dans ce journal, l'édition, la toute dernière de ce 19 septembre 2016, dont voici les grandes articulations. Les cours ont été suspendus par la décision du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida à l'école paramédicale de Muyinga depuis la semaine dernière. Le ministère a expliqué que ses élèves devront attendre la rentrée scolaire prochaine comme les autres. Les quartiers Mugoboka et Mutanga Sud connaissent une coupure de l'électricité depuis le matin de ce dimanche. Les bruits de groupes électrogènes brisent le silence et les conséquences relatives sont devenues multiples et le manque d'eau, la monnaie de petites coupures persiste toujours sur certains parkings d'eau de bus dans la capitale Bujumbura. Les conducteurs de ces navettes expliquent qu'ils travaillent à perte puisqu'un billet à un billet de 2000, les changeurs prennent 500 000. Dans quelques instants, vous aurez le développement de ces titres. À cabine technique se trouve Albert Andoua et à la présentation, Placide Niomonke. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Les cours ont été suspendus à l'école paramédicale de Muyinga depuis la semaine dernière. Les responsables de cette école parlent d'une décision du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Ces élèves devront attendre le début de l'année scolaire pour que les élèves du pays soient dans les mêmes conditions. Les précisions avec Dieudonné Zeimana depuis Muyinga. La nouvelle de la suspension des cours à l'école paramédicale de Muyinga a été annoncée aux élèves la semaine dernière. Les enseignements ont été suspendu deux semaines après le lancement de l'année scolaire 2016-2017 à cette école. Pour des élèves complétant les cours théoriques par des stages, le retard dans le début de l'année scolaire a des incidences sur le déroulement des stages. Les responsables de l'école paramédicale de Muyinga précisent que seuls les élèves de la quatrième année avaient déjà commencé les enseignements. C'est justement dans l'optique de leur faciliter la tâche que les cours théoriques avaient commencé pour que les élèves aillent au stage après avoir passé un mois de cours théoriques. Le ministère de la Santé a ordonné la suspension des cours pour que tous les établissements scolaires débitent au même moment. L'école de Muyinga doit respecter l'ordre des supérieurs d'après Moses Salvatore, le directeur de cet établissement. Cita pour référence d'autres écoles paramédicales comme Sedongozi ou Gitega. L'école paramédicale de Muyinga est sous convention de la communauté musulmane du Burundi. Vous saurez que la quasi-totalité des écoles privées ont déjà ouvert leurs portes pour l'année scolaire 2016-2017. Dieudonné Zeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Le manque de l'argent de petites coupures continue à s'observer sur différents parkings de bus de la capitale Bujumbura. Certains chauffeurs expliquent que cela crée des mésententes entre leurs passagers et qu'ils travaillent à perte au moment où les changeurs prennent 500 francs bourg pour un billet de 2000. Les détails avec Yves Nguziman. Ce sont les propos de certains convoyeurs et chauffeurs de bus de la capitale Bujumbura. Ces chauffeurs expliquent qu'ils travaillent à perte. Nous travaillons à perte. Nous travaillons pour l'échangeur pour 2000 et tu reçois 1500 francs. Pour 4000, tu dois donner 1000 francs en bout. D'autres chauffeurs indiquent qu'ils utilisent pour le moment les billets de 10 francs en bout. Maintenant, nous utilisons les pièces de 10 francs en bout. Celui qui refuse ces pièces, nous le conduisons au CGMAR afin que les policiers nous aident à trouver la solution. Pour les billets de 100 francs, nous allons à la banque, mais ces billets sont vieux. Certains passagers interrogés expliquent qu'ils ont des problèmes. Sauvier indique qu'il va partir à pied jusqu'à sa destination. Combien peut-on payer à 2 km? Vous êtes des voleurs. Je préfère aller à pied. Que ce soit les chauffeurs et les passagers, ils demandent tous au gouvernement de mettre de nouveaux billets dans le but de leur faciliter. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À présent, on parle de coupures d'électricité qui s'observaient dans les quartiers de Mutangasi, de Mugoboka, de la zone Nerohero, en commune Mukaza. Cette coupure a eu lieu depuis le matin de ce dimanche et les conséquences commencent à se manifester comme l'utilisation des groupes électrogènes pour alimenter les maisons de passage se trouvant dans ces quartiers. Les détails avec Ali Dandaiket. En entrant dans les quartiers de Mutangasi, de Mugoboka, on est accueilli par le bruit des groupes électrogènes qui font état d'un manque manque d'électricité. Les habitants de cette localité disent que cette coupure a eu lieu depuis le matin de ce dimanche. Les conséquences commencent à se faire sentir, comme les propriétaires des maisons de passage qui sont obligés d'utiliser d'autres moyens d'alimentation en électricité. Nous allumons un groupe électrogène, car ici, c'est une maison de passage. Mais c'est un problème auquel fait face tout le quartier. Actuellement, nous accueillons très peu de clients, ce qui est à l'origine des pertes que nous subissons. Quand nous avons un client, ce dernier exige la disponibilité de l'électricité, notamment pour éviter la détérioration de ses biens se trouvant dans le réfrigérateur. Il peut nous menacer de quitter les lieux si nous n'alimentons pas le groupe électrogène, et on le fait juste pour voir si on peut trouver de quoi payer les employés. Ne touche pas seulement ces propriétaires de maisons de passage, mais également dans les familles, il y a un problème de conservation de la nourriture. C'est difficile pour nous comme travailleurs domestiques parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Le frigo ne fonctionne pas et ce qu'on y conserve se détériore. Dans ce cas, le travail ne marche pas comme on le souhaite. Le fruit et le lait, l'on ne parvient pas à les conserver au frigo. On les donne directement aux nourrissons. Les habitants de ces quartiers demandent à la Société Régie des Eaux de tout faire pour être réalimentés en électricité. Merci Ali Dandaïkez. Avec la même situation, les activités ont été perturbées ce lundi à cause du manque du courant électrique et de l'eau. C'est venu dans la soirée de ce dimanche dans la province de Gitega. Les responsables de la régie des eaux dans la région centre est fait savoir que cette panne est due au disjoncteur du poste de Zégué qui a sauté. Ajouté qu'une équipe de Bujumbura compte aller le réparer. Les détails avec Arthur Kavabouchi depuis Gitega. En arrivant au bureau de la régie des eaux à Gitega, les travailleurs étaient à l'extérieur à cause du manque d'électricité. La situation était la même dans différents services publics de l'État, là où on utilise les ordinateurs. Ces fonctionnaires indiquent que si le courant traîne à revenir, les activités seront paralysées. Ce manque d'électricité a également touché les salons de coiffure, les secrétariats publics, les postes à souder, là où on fait les activités de soudure également. Mais là où il y a des groupes électrogènes, les tarifs sont relativement monter. Cependant, ce n'est pas uniquement le manque d'électricité qui a occasionné la perturbation du travail. Il y a aussi la pénurie de l'eau depuis ce dimanche soir. Cette situation a fait que même dans les restaurants, le rythme des activités a été perturbé car sans l'eau, ils ne peuvent pas faire la cuisine. Jean-Claude Manlakiza est le responsable de la régie des eaux dans la région centre-est. Il fait savoir que le manque d'électricité est dû à un disjoncteur du poste de Zégué qui a éclaté dans la pluie qui a tombé ce dimanche dans l'après-midi, occasionnant la coupure de l'électricité. Il indique qu'une équipe s'est rendue à ce poste de Zégué ce dimanche soir pour essayer de le réparer, mais elle n'y est pas parvenue jusqu'à 23 heures. Il a souligné que notre équipe de Bujumbura est attendue à Gitega à partir de ce lundi. Sachez que la pluie de ce dimanche dans l'après-midi a causé la destruction de certaines maisons des quartiers Karera, Nyabisindu et Nyamugari. Arthur Kavabushi, Gitega, à Radio Isanganiro. Merci Arthur. Nous nous rendons dans la province de Chibitoke au lieu de la coupure de l'électricité. On parle de la coupure de l'eau. La population de la commune Nerugomba en province de Chibitoke, comme je le disais, totalise 3 semaines sans aucune goutte d'eau dans leur robinet. Certains habitants consomment pour le moment l'eau puisée dans deux petites rivières qui servent pour arrosage. La régie des eaux branches de Chibitoke dit être au courant de ce problème et tranquillise cette population. Que d'ici peu de jours, elle va être réalimentée. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal se poursuit sur Isanganiro. L'association Rotary Club Bujumbura Ngoma a octroyé à l'association Albinos Sans Frontières un dos composé de cahiers et de stylos. Le président de Rotary Club Bujumbura dit que cette association a été choisie puisque les albinos sont parfois discriminés. Les détails avec Alain Désiré Boukeyenet. Il y a déjà 5 ans que l'association Rotary Club Bujumbura Ngoma est en partenariat avec l'association Albinos Sans Frontières. Le président de son club dit qu'elle vient en aide à cette association des défavorisés et surtout dans le domaine de la scolarisation. C'est pour cette raison que le club vient d'octroyer un don estimé à 3480 cahiers et 550 stylos, soit 350 élèves recevront chacun 10 cahiers et un stylo. Dieudonné Gahungu. Nous avons été sensibles aux problèmes qu'éprouvent ces enfants qui sont parfois discriminés, qui n'ont pas de moyens, qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie socio-économique du pays, et nous avons décidé de les appuyer par du matériel scolaire. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, principalement 5 axes, la scolarisation des enfants, la protection de l'environnement par la plantation des arbres. Ce n'est pas seulement l'éducation, mais donc nous intervenons principalement dans la lutte contre la polio. Le secrétaire général de l'association Albinos Sans Frontières remercie son club qui ne cesse d'appuyer cette association et qui reconnaît les albinos comme des êtres humains comme tant d'autres. Jean-Martin Bizimana. Nous nous sommes très contents d'avoir reçu ces matériels scolaires car nous les en avons besoin. Ça va nous aider donc dans la scolarisation de nos jeunes albinos et même des nouveaux inscrits. Le président de l'association Rotary Club Bujumbura Ingoma appelle aux autres associations de venir en aide aux albinos et cela dans d'autres domaines. Et sport, à présent, le championnat national de football en première division était en sa 2e journée à la fin du week-end dernier. La formation athlétique olympique est en première position avec ses 6 points. Et dans le championnat national de basket, qui était en demi-finale, Unani a joué contre Gitega, tandis que New Star a croisé le fer avec Ngozi. L'actualité sportive de la semaine dernière avec Evariste Nzikobanyan. Samedi dernier, au stade de Prince Rugwanga, le club militaire Muzinga a battu Messager Bujumbura sur le score de 2-0. À Muyinga, Olympic Star a égalisé sur le score vierge avec l'équipe Vitalo, championne l'an dernier. À Ruigi, l'équipe Flambeau de l'Est a croisé le fer avec Interstar de Bujumbura. Interstar s'est imposé sur le score de 2-1. Sur la pelouse du stade de Gitega, Musongati Gitega a égalisé avec Magara FC sur le score de 2-2. Et l'idéalidique Burundi Sport for Africa a battu à domicile Ngozi City sur le score d'un 1-0. Les Lières de Bujumbura ont corrigé Rusizi FC de Chibitoke 3-0 et Amakamba Aigle Noir a battu Bujumbura City sur un score d'un 1-0. Dimanche, sur la pelouse du stade de Gitega, Messager Ngozi a été battu par Atletico Olympique de Bujumbura 3-0. À la 2e journée du championnat, Atletico Olympique de Bujumbura est première avec 6 points et 6 buts marqués. Interstar est 2e avec 6 points et 2 buts. L'idéalidique Brown Sport for Africa est 3e avec 6 points et 2 buts marqués. Le club Vitaro, en difficulté depuis le début du championnat, est 10e avec 1 point et 1 dette d'un but. En 16e position et dernière vient Messager Bujumbura avec 1 point et 1 dette de 3 buts. En fin du week-end, le championnat national de basketball était en demi-finale à Gitega. L'équipe provinciale a désillusionné Urunani de Bujumbura sur 80 points à 73. Ngozi, New Star de Bujumbura, s'est imposé contre Ngozi sur le score de 64 points à 54. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, pour clore cette édition, l'opposition congolaise a descendu dans la rue depuis ce lundi matin pour demander le départ du président Joseph Kabila. Selon la société civile de ce pays, les échauffourées ont débuté dans la matinée alors que les manifestants tentaient de rejoindre le point de rallye ML de la mobilisation près de l'échangeur du quartier de Limette. Le bilan depuis le matin de ce lundi, 2 policiers ont été tués et la manifestation de l'opposition a été annulée, a indiqué Lambert Mende, porte-parole du gouvernement qui l'a déclaré à l'AFP. Mais quant à la société civile et l'opposition déplore la mort de plusieurs civils et de nombreuses arrestations. Ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, on vous rappelle que les cours ont été suspendus par la décision du ministère de la Santé publique de lutte contre le sida à l'école. paramédical de Muyinga depuis la semaine dernière, arguant que ses élèves devront attendre la rentrée scolaire prochaine comme les autres. Et les quartiers Mugoboka et Mutanga, sud d'une somme de la capitale Bujumbura, connaissent une coupure de l'électricité depuis le matin de ce dimanche. Les bruits des groupes électrogènes brisent le silence et les conséquences relatives sont multiples. Et le manque de monnaie de petites coupures persiste toujours sur certains parkings de Bujumbura. Les conducteurs de ces navettes disent qu'ils travaillent à perte parce que pour un billet de 2000, les changeurs prennent 500 francs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongiri. Bonne soirée à tous. Au revoir.